franceinter.fr. Le veau a finalement été plus fort que le chêne. Ainsi pourrait-on résumer le destin d'Alexandre Isaïevitch Soljenitsyn, qui sa vie durant, en tout cas jusqu'à l'implosion de l'URSS en 1991, a dû se battre contre le chêne, c'est-à-dire le tout-puissant empire soviétique. Le chêne contre le veau, ou plutôt le chêne et le veau, pour reprendre le titre d'un livre où le plus grand écrivain russe du siècle dernier raconte ses longues années de résistance contre un KGB implacable qui n'a jamais cessé d'essayer de l'abattre et a même imaginé de le liquider physiquement. Une vraie guerre, comme l'explique Soljenitsyn lui-même dans cet ouvrage déjà cité. Les livres, c'est comme des divisions ou des corps d'armée. Tantôt, ils doivent, s'enfouissant sous terre, ne pas faire feu ni sortir le nez. Tantôt, tout faisait éteint sans faire de bruit, franchir des ponts. Tantôt, masquant les préparatifs, évitant de faire s'ébouler la moindre poignée de terre, du côté inattendu, à l'instant inattendu, bondir pour une attaque concertée. Et l'auteur, comme un généralissime, tantôt lance les uns, ramène les autres, pour les garder en attente. Monsieur X revient sur ses années de lutte et les secrets qui ont permis à l'écrivain de triompher du totalitarisme, avec l'aide de dizaines de citoyens soviétiques, les invisibles, comme il les appelle, qui ont pris le risque de soustraire ses manuscrits aux manœuvres inquisitoriales du KGB. Un mot d'abord. Je crois que le KGB, dans sa volonté de réduire Soljenitsyn au silence, a usé à peu près de tous les moyens en sa possession. Et je crois savoir qu'il y a eu aussi une tentative d'assassinat. À l'aide de ce qu'on a appelé plus tard un parapluie bulgare, oui. Et c'est un major du KGB qui, peu avant sa mort, a fait cet aveu à Soljenitsyn dans une note écrite. Cet agent, Boris Ivanov, a même donné les noms des individus qui devaient perpétrer cet assassinat en 1971. L'un d'eux, un lieutenant-colonel qui travaillait sous la couverture de correspondant de presse, a d'ailleurs ensuite été nommé en Bulgarie. Quelle coïncidence! En effet, donc je dis bien tous les moyens. Et nous allons voir ça dans le détail. Mais de son côté, Soljenitsyn, avant son bannissement, a lui-même utilisé de vraies méthodes d'agent secret pour échapper à la surveillance du KGB et sauvegarder ses précieux manuscrits. Oui, avant de les faire passer à l'Ouest. C'est ça. Ouais. Essentiellement son œuvre magistrale, l'archipel du Goulag, le livre qui, à l'évidence, était le plus dangereux aux yeux des autorités soviétiques. Et il a agi, lui et tous ceux qui lui ont apporté leur concours au péril de leur liberté, avec un sang-froid assez extraordinaire. Par où commencer alors ? Par un bref rappel de la biographie d'Alexandre Soljenitsyn. Le futur dissident est né en 1918 dans le Caucase. Et rien dans ses années d'apprentissage ne laisse deviner qu'il deviendra un immense écrivain et un opposant résolu. Bien au contraire, il suit des études de mathématiques et de physique et s'affirme comme un socialiste convaincu. Puis c'est la guerre. La Grande Guerre patriotique, comme on nomme la Seconde Guerre mondiale en URSS. Il est mobilisé. Naturellement, et il est nommé lieutenant. Selon l'expression consacrée, il fait une belle guerre. Capitaine, il se signale à plusieurs reprises et sa bravoure lui vaut de prestigieuses décorations. Mais Soljenitsyn est aussi un homme lucide. Et il émet des doutes sur les capacités militaires du commandant suprême. Staline. Lui-même. Et dans une lettre, il s'en ouvre à l'un de ses camarades de l'université, un homme déjà surveillé par la sûreté militaire. Imprudence, alors. Certainement, car dans cette société policière, rien n'échappe au pouvoir. Dès 1945, Solzhenitsyn est arrêté. Malgré sa belle conduite au front. Oh, ça compte peu. Ce jeune mathématicien a osé critiquer Staline. C'est un crime. Il est immédiatement condamné à 8 années de camp de travail et de redressement. Ouais, donc il est envoyé au goulag. Et il faut rappeler que goulag, ce mot qui sera popularisé par Solzhenitsyn, est un acronyme qui signifie administration des camps. Oui, sous l'autorité du KGB. Et c'est devenu, goulag, un synonyme de camp de travail. Oui. Alors Solzhenitsyn connaîtra plusieurs de ces établissements pénitentiaires où des millions de zecs, comme on les appelait, ont vécu et travaillé dans d'effroyables conditions. Solzhenitsyn, lui, est libéré en 1953, l'année de la mort de Staline. Mais il n'en a pas fini pour autant avec la justice soviétique, car il est condamné à la relégation perpétuelle au Kazakhstan. Et entre-temps, il était victime d'un cancer. Oui, à deux reprises. Et miraculeusement guéri, il s'est promis de ne plus jamais cesser d'écrire. Parce que c'est au goulag qu'il a commencé. Clandestinement, bien sûr. Et c'est d'ailleurs dans sa vie de zec, c'est-à-dire de prisonnier d'un système concentrationnaire, qu'il puisera le matériau de ses premiers livres. En 1956, enfin, il est réhabilité par la Cour suprême et il s'installe à Rostov, sur le Don, où il est désormais professeur de mathématiques. Puis il se rapproche de Moscou en déménageant à Riazan. Épisode curieux. Il se remarie alors avec sa femme. Ils avaient divorcé ? Pendant sa déportation, oui. Si je signale ce détail, c'est que cette épouse va jouer plus tard un grand rôle dans sa vie et que, manipulée par le KGB, elle deviendra l'une de ses pires adversaires. Qu'écrit-il alors ? Il commence en secret son roman, Le Premier Cercle. Mais prudent, il inaugure une technique qu'il utilisera dorénavant. Il disperse ses chapitres chez ses amis. Mais pour éviter que le manuscrit entier ne soit saisi un jour. Évidemment. Ouais. En même temps, il écrit des nouvelles, des pièces de théâtre, autant de textes qui circulent clandestinement sous forme de samizdat. Oui, ce sont ces écrits dactylographiés qui circulent secrètement d'un lecteur à l'autre. Et qui sont reproduits par ces lecteurs qui finissent par former un vaste réseau. Et c'est ainsi que les dissidents du Bloc de l'Est font connaître leurs œuvres qui échappent de cette façon à la censure. Ouais, mais ce n'est pas sans risque. Bien entendu. En 1959, en 3 semaines, Solzhenitsyn écrit un petit roman promis à un grand avenir. Une journée d'Ivan Denisovitch, qui raconte l'existence d'un moujik dans un camp de travail. Ouais. Mais l'écrivain garde ce texte sous le coude. Oui. Pourtant, soudain, l'horizon s'éclaircit en URSS. En 1961, lors du 22e congrès du Parti communiste, Khrouchtchev rend public le rapport secret de 1956. Oui, c'est-à-dire le rapport dénonçant les crimes de Staline. Et le culte de la personnalité. C'est un véritable coup de tonnerre dans le ciel soviétique. Et Solzhenitsyn en profite pour envoyer son roman à la plus grande revue littéraire de la Fédération, Novy Mir. Ouais. Et contre toute attente, le livre est publié. Et c'est tout de suite un énorme succès. Solzhenitsyn, le proscrit, devient d'un coup un écrivain reconnu et presque officiel. Il est ainsi reçu au Kremlin par Khrouchtchev, qui le félicite. Et sa réputation dépasse très vite les frontières de l'URSS. Mais surtout, la publication d'une journée d'Ivan Denisovitch lui vaut un énorme courrier. Ouais. Et qui lui écrit alors les citoyens soviétiques qui, comme lui, sont passés dans les camps ? Essentiellement. Et ça lui donne l'idée de l'archipel du goulag, c'est-à-dire une vaste somme de témoignages brossant un tableau de ce que furent ces années terribles, où des millions de femmes et d'hommes ont été déportés. Et à ce moment-là, il espère vraiment pouvoir publier l'archipel ? Et pourquoi pas ? Enfin, vous le savez, les événements se précipitent. En 1964, Khrouchtchev est limogé. Ouais, fin du dégel. Et retour au système soviétique traditionnel avec Brejnev. Solzhenitsyn, pour sa part, comprend immédiatement et recourt à nouveau aux méthodes clandestines d'écriture. Mais il n'est plus seul. Il a levé une véritable armée de bénévoles, ces invisibles, comme il les nomme. Des gens qui, à travers toute l'URSS, recueillent pour lui des témoignages d'anciens zecs et qui l'aident aussi à dissimuler ses textes au fur et à mesure de leur écriture. Mais se sent-il personnellement menacé ? Oui. En 1965, première alerte. Le KGB perquisitionne la maison de l'un de ses amis afin de récupérer les manuscrits. Ah, c'est le début de la guerre. Et vous avez raison de parler de guerre. Car pour le Kremlin, tous les coups sont permis pour réduire les dissidents au silence. Et bien sûr, Solzhenitsyn en premier, qui même si le KGB n'en a pas formellement la preuve, poursuit son œuvre conspirative. Rendez-vous avec X. Comment définir cet ouvrage gigantesque, l'archipel du Goulag. Dans son livre « Solzhenitsyn, le courage d'écrire », Georges Nival, un des meilleurs connaisseurs de l'œuvre de Solzhenitsyn, l'a défini ainsi. « Essai d'investigation littéraire, l'archipel est le fruit d'une vaste enquête menée clandestinement auprès des anciens compagnons de bagne et de très nombreux anciens zecs qui avaient réagi à la publication d'une journée d'Ivan Denisovitch. C'est à la fois un monument littéraire, une enquête reposant sur ce qu'on appelle aujourd'hui « oral history » et de ce fait également une œuvre collective. La troisième édition de l'ouvrage donne les noms de 257 collaborateurs au total. Aidés par des invisibles, l'auteur a mené enquête, interviewé, reçu des témoignages. La première préface, datée de 1967, indique que l'ouvrage a été commencé à Riazan le 27 mars 1958 et achevé le 22 février 1967 au Repère. Par Repère, il désigne la ferme en Estonie où, par deux fois, il a séjourné dans un incognito complet pour rédiger son texte. Dès 1966, les premiers dissidents, les écrivains, Andrei Sinyavsky et Yuri Daniel sont arrêtés et jugés. Solzhenitsyn réagit ? Non, et ça lui sera longtemps reproché, car malgré la glaciation initiée par Brejnev, Solzhenitsyn aurait pu user de son immense prestige pour manifester sa solidarité. Et quelques dissidents lui en voudront durablement. C'est exact. Même si, plus tard, il créera un fonds de solidarité et d'aide aux personnes persécutées en URSS. Fonds qui sera alimenté par ses considérables droits d'auteur. Mais en attendant, littéralement enfermé à la campagne, en Estonie, l'écrivain ne pense qu'à achever l'archipel et à le soustraire au KGB. C'est d'autant plus urgent que la centrale soviétique dirigée depuis 1967 par Yuri Andropov a créé un nouveau département exclusivement consacré à la lutte contre la dissidence. Solzhenitsyn, toujours aidé par ses invisibles, rassemble donc ses manuscrits dispersés et les microphotographies. Afin de pouvoir obtenir plusieurs copies. Et mais en même temps, il apprend que le KGB interdit la publication du pavillon des cancéreux qu'il avait envoyé à Novi Mir. Ouais, c'est la confirmation qu'il est désormais lui-même considéré comme un dissident. Et ça le pousse à s'exprimer enfin publiquement. Dans une lettre ouverte envoyée au Congrès des écrivains, il dénonce la censure. Et pour la première fois, il décide de faire passer quelques-uns de ses manuscrits à l'Ouest, où ils vont être publiés. Le premier cercle obtient ainsi en France le prix Médicis. Ouais. Alors, les autorités soviétiques ne peuvent pas ne pas réagir. Et c'est assez étrange. Une revue littéraire publie une lettre dans laquelle Solzhenitsyn lui-même désavoue ses publications occidentales. Explication alors. En fait, cette lettre assez ancienne critiquait surtout la mauvaise traduction de ses œuvres à l'Ouest. Ouais, donc la manipulation. Ouais. Et d'ailleurs, à côté de cette lettre, cette revue insère un article très hostile à Solzhenitsyn. Et l'année suivante, il est exclu de l'Union des écrivains. Et ça signifie qu'il ne pourra plus publier en URSS. Et prudemment, il a envoyé clandestinement à l'Ouest les microfilms de l'archipel, sans toutefois demander encore sa publication. Mais c'est surtout sa vie privée qui permet au KGB de l'attaquer. Ah, c'est son épouse, là. Oui, hein. Solzhenitsyn a rencontré une jeune mathématicienne avec qui il va vivre et qui lui donnera 3 enfants. Son épouse est furieuse et la rupture est violente. La querelle est exacerbée par le KGB qui interdit à l'écrivain de vivre avec sa nouvelle compagne et multiplie les obstacles afin de l'empêcher de divorcer. Et notez que sa première épouse, qui se remariera avec un journaliste soviétique, ne cessera ensuite de l'accabler et de le calomnier. Et pour vous, là, le KGB était derrière cette campagne diffamatoire ? C'est évident. En 1970, vous le savez bien, Alexandre Solzhenitsyn reçoit le prix Nobel de littérature, à l'initiative de François Mauriac, d'ailleurs. Mais Solzhenitsyn ne se rend pas en Suède pour recevoir son prix, car il a peur de ne pas être autorisé à revenir dans son pays. Ouais. Et il veut rester en URSS malgré les difficultés qui lui sont faites. Solzhenitsyn est charnellement attaché à la Russie. Et quand il sera obligé de partir, il en souffrira beaucoup. En attendant ce bannissement, Solzhenitsyn résiste. Pourtant, le KGB multiplie les provocations et les attaques. L'écrivain est accusé d'avoir des origines sociales, bourgeoises ou nobles. On le soupçonne aussi d'avoir eu des sympathies pour le général renégat Vlassov. Ouais, Vlassov qui a fini par choisir Hitler contre Staline au cours de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce sont là des manœuvres de désinformation assez classique hein, pour les services soviétiques. C'est juste. Est-ce que Solzhenitsyn riposte ? Oui, à plusieurs reprises, dans des lettres ouvertes ou des interviews à des journaux occidentaux, il dénonce la campagne de calomnie qui l'accable, en faisant allusion aux persécutions dont il est victime dans sa vie familiale. Il rappelle aux autorités que le servage a été aboli en Russie depuis plus de 100 ans. Mais il y a aussi, et c'est beaucoup plus grave, cette tentative d'assassinat dont je vous ai parlé. Puis des perquisitions chez Solzhenitsyn ou chez ses amis. Ouais, les fameux invisibles. Oui, et l'une d'elles va connaître une issue tragique. Elisabeth Volnianskaya est une femme déjà âgée à la santé fragile qui, fervente admiratrice de Solzhenitsyn, a été l'une de ces bénévoles qui ont caché les exemplaires de l'archipel du Goulag. À toutes et à tous, après avoir procédé aux microphotographies du texte, Solzhenitsyn a demandé la destruction des copies qui étaient en leur possession. Pour leur sécurité ? Et pour éviter que l'ouvrage ne tombe dans les mains du KGB. Mais Elisabeth, pour qui ce manuscrit était une précieuse relique, a désobéi. Elle n'a pas pu se résoudre à le détruire. Or, un jour, d'août 1973, des agents du KGB ont débarqué chez elle. Pendant 3 jours, ils l'ont interrogée et sans doute brutalisée. Et la vieille dame a fini par craquer et a révélé l'endroit où elle avait enterré le texte. Revenue chez elle, effondrée par ce qu'elle considérait comme une trahison, elle s'est pendue. Ouais. Le KGB, en tout cas, était donc maintenant en possession du texte de l'archipel. Toutefois, je vous le rappelle, les microfilms étaient déjà à l'ouest. En tout cas, cette tragédie a décidé Solzhenitsyn à donner l'ordre de publication en Occident, où l'archipel du Goulag va obtenir un immense succès de librairie dès janvier 1974. Mais pourquoi, au fond, Solzhenitsyn avait-il si longtemps tardé à donner cet ordre de publication ? Parce qu'il savait très bien que les autorités soviétiques n'attendaient que ça. Bah, pour se décider à l'expulser ? Bah oui, l'archipel du Goulag, c'est quand même un fantastique brûlot anti-soviétique. Et il était évident que le Kremlin ne pourrait pas supporter un tel affront sans sévir et prendre une décision spectaculaire. Et on le sait aujourd'hui, Andropov avait préparé depuis longtemps un projet de décret visant à priver Solzhenitsyn de sa citoyenneté soviétique. Et donc à l'expulser du RSS. Bah forcément, et c'est la publication à l'ouest de l'archipel qui déclenche la procédure. Devant les cassides du Politburo, Andropov lit un véritable acte d'accusation contre Solzhenitsyn et il n'a aucun mal à obtenir l'acquiescement de ses collègues. Mais si certains auraient plutôt souhaité que l'écrivain soit à nouveau envoyé au Goulag. Ouais, mais un prix Nobel au bagne, c'était quand même délicat. Sans doute. Mais il était aussi à craindre que, passé de l'autre côté du rideau de fer, Solzhenitsyn ne devienne un ardent propagandiste anti-soviétique. Et Andropov, qui voulait absolument bannir Solzhenitsyn, a menti à ses collègues en prétendant qu'en Occident, l'étoile de l'écrivain avait bien pâli. Ouais, c'était exactement le contraire. En tout cas, c'est Andropov qui l'a donc emporté. Le 13 février 1974, Solzhenitsyn est arrêté et il est immédiatement expulsé. Vers quel pays ? Mais quand il monte dans l'avion, Solzhenitsyn ne le sait pas encore. Mais Moscou a choisi pour lui. C'est la République fédérale allemande où il est accueilli par un autre prix Nobel de littérature, son ami Heinrich Böll. Mais il ne restera pas longtemps en Allemagne. Non. Quand sa femme et ses enfants seront autorisés à quitter l'URSS, il s'installera à Zurich. C'est là qu'il recevra un éditeur, Claude Durand, en qui il placera toute sa confiance et dont il fera son agent littéraire pour le monde entier. Ouais, Durand qui, sous le titre un peu malicieux, hein, agent de Solzhenitsyn, vient de compter à son tour hein, le long et douloureux combat de l'écrivain contre ses calomniateurs. Et des tracteurs. Oui, car les attaques n'ont pas cessé avec son bannissement, bien au contraire. Rendez-vous avec X tous les samedis à 13h30 sur France Inter. Un autre célèbre dissident, Vladimir Boukovski, a publié dans un ouvrage de mémoire le texte de l'intervention de Youri Andropov devant le Politburo justifiant la décision d'expulser Solzhenitsyn. Extrait. Camarades, c'est depuis 1965 que j'ai posé la question Solzhenitsyn. Aujourd'hui, il a franchi une nouvelle étape dans ses activités hostiles. Il essaie de créer à l'intérieur de l'URSS une organisation qu'il fabrique avec d'anciens détenus. Il fait des déclarations contre Lénine, contre la révolution d'octobre, contre le régime socialiste. Son ouvrage, L'archipel du Goulag, n'est pas une œuvre d'art, c'est un document politique. C'est dangereux. Il y a dans notre pays des dizaines de milliers d'anciens Vlassov de l'armée ukrainienne de libération et d'autres éléments hostiles. En gros, des centaines, des milliers d'hommes auprès de qui Solzhenitsyn trouvera un appui. Solzhenitsyn agit ouvertement, il agit avec insolence, il profite de l'attitude humaine du pouvoir soviétique et mène ses activités hostiles dans l'impunité. C'est pourquoi il faut prendre toutes les mesures dont j'ai parlé au comité central, c'est-à-dire l'expulser hors du pays. En Occident, Solzhenitsyn n'est donc pas à l'abri des menées du KGB. Eh non, car le KGB n'a pas renoncé à user de mesures actives, comme on dit dans le jargon des services spéciaux, pour nuire à Solzhenitsyn. Alors, certaines sont assez traditionnelles. Il s'agit de salir l'écrivain et parfois en caricaturant son personnage. Par exemple. Bon, en exagérant son côté vieux russe, un peu bigot. Oui, et ses opinions plutôt réactionnaires. Certes. Solzhenitsyn n'était pas un progressiste. Et il voulait que la Russie redevienne la Russie. Mais en même temps, il a à de nombreuses reprises critiqué sévèrement le mercantilisme de l'Occident et les méfaits du système capitaliste. On lui a aussi prêté des sympathies pour Franco ou Pinochet à qui il aurait rendu visite. Bon, là, il s'agit purement et simplement de désinformation. Solzhenitsyn n'est jamais allé au Chili, contrairement à ce qu'on a pu lire dans la presse française. Et cette désinformation, alors, c'est encore le KGB ? Bah, on peut l'imaginer. On en a eu un malheureux exemple en France même. Mais pour bien comprendre, il faut dire que Solzhenitsyn, qui est venu chez nous au moins à deux reprises, est arrivé dans un contexte politique très particulier. C'est-à-dire ? À gauche, on prenait le programme commun. Oui, l'union de la gauche. Et donc le partenariat des socialistes et des communistes. Il est certain que des intellectuels ou des dirigeants socialistes qui auraient dû naturellement saluer le courage de Solzhenitsyn et applaudir son œuvre ne l'ont pas fait pour ne pas mécontenter les communistes et ruiner l'union de la gauche qui était alors très près d'accéder au pouvoir. Ouais. C'était encore l'époque là où un Georges Marchais trouvait le bilan du RSS globalement positif. Hein. Les socialistes devaient donc marcher sur des œufs s'ils ne voulaient pas aboutir à la rupture du programme commun de gouvernement. Mais la droite n'a pas non plus été très courageuse. C'est dans le Figaro qu'a été publiée une détestable interview de la première femme de Solzhenitsyn, confectionnée par l'agence Novosti où travaillait son nouveau mari. Et là encore, il s'agissait de salir Solzhenitsyn. Hein. Et de mettre en cause son sens moral. Ouais. Mais... jalousie de femme trahie. Et l'exploitation de cette jalousie par le KGB via cette agence de presse, oui. Et parfois, cette désinformation atteint des sommets de ridicule. Les agents de Moscou ont ainsi fabriqué une fausse lettre de dénonciation attestant que Solzhenitsyn, quand il était au Goulag, était un mouchard. Oui, alors, un mouchard du KGB, donc, ça, c'est amusant, ça. Hein. Pour accabler Solzhenitsyn, le KGB prétend, par conséquent, que l'écrivain a travaillé pour les services de sécurité du camp. Ce dont, si ça avait été vrai, il aurait dû se féliciter. Mais la centrale soviétique est allée bien au-delà. Je vous passe la surveillance dont Solzhenitsyn a fait l'objet dès son installation en Suisse. Les services tchèques ont essayé, en particulier, d'infiltrer son entourage. Des faux amis. C'est ça. Mais, et c'est ce dont je voulais vous parler, les soviétiques l'ont attaqué dans le domaine où ça pouvait lui faire le plus mal, c'est-à-dire son œuvre d'écrivain. Quoi, en la critiquant ? Non, ça c'était trop facile et ça avait déjà été fait avant son expulsion du RSS. Non, là il s'agissait de déformer ses textes, ou même de les saboter d'une façon absolument machiavélique. Expliquez-moi. Solzhenitsyn et ses proches ont compris très vite, dès 1974, ils s'étonnent alors de découvrir dans la presse communiste française, notamment, de fausses citations tirées de l'archipel. alors que les tomes dont elles sont apparemment extraites n'ont encore paru nulle part. Conclusion, ces textes ne peuvent provenir que du KGB, qui s'est procuré un exemplaire chez la malheureuse Elisabeth Vronianskaya. Et naturellement, ces citations ont été arrangées à la sauce KGB. Ouais, que voulez-vous dire là ? On y lit par exemple que les Hitlériens étaient indulgents et compatissants pour les peuples qu'ils avaient asservis. Mais ce que Solzhenitsyn n'a bien sûr pas écrit. Et c'est oublié un peu vite que l'écrivain a été un héros de la Grande Guerre patriotique, comme on dit là-bas. Pour venir à bout de cette vaste entreprise de falsification, les soviétiques se sont même adjoints la collaboration d'un étrange éditeur installé à Londres, un certain Alec Phlegon. Cet homme s'était spécialisé dans la publication des œuvres de dissidents soviétiques, des traductions souvent bourrées de coquilles et de fautes diverses. Des traductions non autorisées, donc. Oui, mais là n'était pas le plus important. Il est très vraisemblable que cet émigré roumain était en contact avec les services de l'Est et qu'il ne publiait les dissidents qu'à la demande du KGB. Mais dans quel but ? Permettre aux autorités communistes d'accuser ces dissidents de publications illégales à l'étranger. Vous êtes bien affirmatif, là. Oui, car il faut savoir que Phlegon était très proche d'un certain Victor Louis. Ah oui, un agent soviétique de haut vol, hein, qui vivait à Moscou comme un nabab. Et qui, sous couvert de sa profession de journaliste, voyageait à l'Ouest comme il le voulait. Rappelez-vous, vous en avez parlé autrefois. Oui, il écrivait même dans des journaux anglo-saxons. Oui, et Louis avait une spécialité parmi beaucoup d'autres. Il faisait passer à l'Ouest des manuscrits réputés interdits en URSS, mais des textes qui auparavant avaient reçu le visa du KGB. D'ailleurs, Victor Louis avait essayé d'entrer en contact avec Solzhenitsyn, mais il avait été éconduit. Donc pour vous, Phlegon aurait été en cheville avec Victor Louis, là. Certainement. Et ce Phlegon avait par ailleurs un culot extraordinaire. Songez qu'il a osé faire un procès pour concurrence illégale à l'éditeur britannique qui publiait Solzhenitsyn. Avec l'autorisation de ce dernier. Bien entendu. Phlegon a perdu. Mais il s'est déclaré en faillite et n'a jamais payé. Cependant, en 1980, il a récidivé et attaqué Solzhenitsyn pour avoir mis en doute son intégrité morale. Un procès qu'il a malheureusement gagné. Pour en finir avec ces tentatives malfaisantes, un dernier mot. Je vous ai dit qu'à son arrivée en Suisse, Solzhenitsyn a été espionné par des agents tchèques. L'un d'eux, un certain Resak, a approché Solzhenitsyn en se faisant passer pour un dissident. Il a si bien abusé l'écrivain qu'il a obtenu de traduire quelques-unes de ses œuvres. Une traduction fidèle ? Je ne sais pas, mais Resak a profité de cette proximité avec Solzhenitsyn pour publier une biographie qui s'est révélé être un tissu de mensonges. À partir de 1976, et avant de revenir en Russie après l'implosion de l'Empire, Solzhenitsyn est parti aux États-Unis. Oui, et il a trouvé refuge dans une propriété du Vermont où il s'est isolé pour écrire son grand ouvrage « La roue rouge ». Mais la malveillance s'est encore acharnée sur lui. Des journalistes, mécontents de ne pouvoir l'approcher, ont écrit qu'il vivait à l'abri d'une clôture électrifiée. Un nouveau goulag, en somme. Et il ne faut pas oublier que si le Sénat américain lui a décerné le titre de citoyen d'honneur, Henry Kissinger a dissuadé le président Ford de recevoir Solzhenitsyn à la Maison-Blanche. Je vous rappelle l'ouvrage très récent de Claude Durand, agent de Solzhenitsyn. Et la semaine prochaine, l'histoire d'un autre dissident, Viktor Orekhov, mais un dissident de l'intérieur du KGB qui, ironie de l'histoire, a été l'officier de la centrale soviétique chargé le premier de lire et d'analyser l'archipel du Goulag. Je vous rappelle que sur franceinter.fr, vous pourrez communiquer avec nous, nous écrire ou demander des précisions sur cette émission. Rebecca de Nantes l'a préparée. Merci à Michel Billoux qui l'a réalisée et à Monsieur Joub qui l'a illustrée. Et tout de suite après le flash show de Mon amour de Denis Chessou.